Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis en violet. Le violet, vous avez remarqué hein, que le prêtre parfois change de couleur. Pas parce qu'il est choqué, hein, le rouge, etc., mais il y a différentes couleurs liturgiques. Il y a le violet, il y a le vert, le blanc, le rouge. Alors, le violet, on le porte deux fois. On le porte dans ce temps de l'Avent, mais aussi dans un autre temps, le carême, donc qui est le temps qui précède Pâques. Donc, quand j'ai cette couleur-là, il faut se dire, oh, attention, il faut se convertir. OK? Il faut que ça rentre tranquillement. Quand je suis en violet, ça veut dire, le Seigneur nous dit, oh, il y a un temps spécial, il y a une fête spéciale, il faut se faire beau et belle. Hein, la fête, quand on reçoit des gens, des amis, on se dit, oh, on va faire du ménage en maison. Hein, il y a des gens qui viennent à souper. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Le temps de l'Avent et celui du carême sont deux temps de conversion, mais je pense que le temps de l'Avent comporte une couleur spéciale. Une couleur spéciale, c'est-à-dire une petite touche d'espérance. Évidemment, les deux temps, mais il y a une petite magie à Noël, avec le Noël qui vient, avec tous ces chants aussi qu'on commence à entendre dans les commerces ou ailleurs. Et aujourd'hui, l'épître de Paul nous invite à ceci. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Donc aujourd'hui, je vous propose cette semaine de vivre une conversion, c'est-à-dire de quitter la désespérance pour entrer dans l'espérance. Parce que oui, il faut se le dire, très souvent, on tombe dans le panneau, nous vivons très souvent dans une société dépressive qui nous raconte toutes sortes à cœur de jour dans les nouvelles dépressives, que tout va mal, que tout est pénible et qu'il n'y a pas de solution, tout s'embourbe, que ce soit dans les journaux, les médias sociaux divers, etc. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, un instant, sors de ta désespérance. Et pour nous aider à sortir de la désespérance, le prophète Isaïe, un grand prophète de l'espérance justement, utilise des images, des belles images. Aujourd'hui, on pourra s'attarder sur trois images. La première, « En ce jour-là sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. » Alors, c'est quoi une souche? C'est quoi une souche? C'est un arbre qui a été coupé, en général. Hein, quand on voit une souche, c'est un arbre qui ou bien a été coupé ou bien qui a cassé. Bref, c'est pas plein d'espérance, une souche. Et pourtant, ici, le Seigneur dit, à travers le prophète Isaïe, « Un rejeton jaillira de ses racines, un rameau sortira de la souche de Jessé. » Ici, dans la cour, on a des souches, en fait. Et il y en a un, c'est on voit le tronc principal a été coupé, mais pouf, à côté, qu'est-ce qui se passe? La vie veut continuer. Et là est le signe d'espérance. Et ici, le contexte très précis du prophète Isaïe, la souche qui est coupée, c'est la lignée royale des rois. Ces rois à partir du prophète David, David qui avait été choisi par Dieu pour repousser Goliath, qui venait entourer, avec les Philistins, qui venait entourer le peuple hébreu et tous les autres ennemis, David était ce roi symbolique fort qui a unifié le peuple et chassé les ennemis. Et Dieu avait fait une promesse à David que jamais le Seigneur ne s'éloignerait de sa royauté, de sa descendance, et que de sa lignée aussi sortirait un autre Messie, un autre homme de Dieu sur qui la main de Dieu serait pour délivrer à jamais son peuple de ses problèmes. Or, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, la lignée de David, à partir de ses fils, petits-fils, eh bien, qu'est-ce qui arrive? elle tombe en lambeaux. Hein, les uns des rois sont de moins en moins fidèles et finalement, jusqu'au dernier roi qui, par leurs infidélités, leur injustice répétée, se coupe de la protection de Dieu. Et se coupant de la protection de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les peuples voisins les dominent, rasent Jérusalem et les déportent. Donc, cette lignée royale dont Jessé était le père du premier roi, père de David, cette lignée royale qui est comme un grand arbre, elle est coupée par la déportation à Babylone. Mais la promesse de Dieu dit, un rejeton jaillira de ses racines, un rameau sortira de la souche de Jessé. Vous savez c'est qui le rejeton? Jésus. Mais les autres, ils ne savaient pas à l'époque. Ils ne savaient pas que la tendance était plus forte d'aller vers le découragement. Mais il dit, ce rejeton, sur lui reposera l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de force, esprit de connaissance, de crainte du Seigneur. Il va tirer de l'humanité l'injustice. Et là, on arrive à la deuxième image qui était dans le refrain du psaume. Hein? En ce jour-là, fleurira la justice. Grande paix jusqu'à la fin des temps. C'est une autre image, une deuxième image d'espérance. Fleurira la justice. Parce que quand il y a plein d'injustices, c'est dur, c'est pénible à vivre. C'est pénible. C'est comme une terre aride, sèche, sans eau, sans fleurs. Mais le Seigneur dit que par la venue de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va rétablir la justice dans nos villes, mais aussi dans nos vies. Il va ramener des fleurs dans ma vie, dans ta vie. Et c'est notre espérance. C'est pour ça que le Seigneur nous invite ce soir à entrer dans l'espérance, parce qu'il va faire fleurir sa justice. Et le texte dit, il jugera, Isaïe dit, il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il prononcera en faveur des humbles du pays, il se prononcera. Donc si vous vivez, ou si des proches d'entre vous vivent des difficultés, des injustices, grandes ou petites, réjouissez-vous ce soir, parce que le Seigneur s'en vient pour rétablir, redresser la justice. Et quelqu'un va peut-être se dire, mais oh là là, mais moi j'ai commis l'injustice. Qu'est-ce qui va se passer, hein? Parce qu'il dit, il va balayer les méchants. Eh bien, pas de panique. Le Seigneur vient aussi pour balayer la méchanceté de ton cœur. Il ne vient pas pour condamner le méchant, mais pour condamner la méchanceté. Il vient pour la chasser de ton cœur. La troisième image, en fait, qui est une multitude d'images, là, plein d'images. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, la vache et l'ours seront même pâture. Qu'est-ce qui est présent dans ces images-là? Eh bien, dans ces images-là, tu vois normalement des bêtes reconnues pour être féroces, même pour donner la mort habituellement à l'autre bête, qui vont vivre ensemble. Le loup habitera avec l'agneau, mais normalement, le loup, il mange l'agneau, il tue l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau, mais normalement, le léopard mange le chevreau, etc. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il est en train de dire qu'il va réconcilier, refaire la paix entre des êtres apparemment opposés. Et cette paix, il veut la faire même en vous et en moi. Parce que en moi, comme en vous, il y a par exemple des passions de vivacité ou des fois des colères ou des agressivités qui peuvent monter. Le problème avec nos colères ou nos agressivités, même si ce n'est pas des passions mauvaises en elles-mêmes, c'est que souvent, nous, lorsqu'on les exprime, on dépasse la mesure. Hein, la colère, souvent, elle naît en présence d'une injustice, donc c'est une réaction vive. tentant de rétablir la justice, mais qu'est-ce qui se passe, étant donné qu'on s'emballe dans notre passion? Eh bien, on crée à notre tour, on dépasse la justice et on crée une injustice à notre tour. Et finalement, on assiste à la belle escalade de la violence qu'on voit quotidiennement, ou bien dans nos familles, ou bien dans le monde. Mais, encore une fois, la colère ou les passions vives pour rétablir la justice, ce n'est pas mauvais en soi. Mais le problème, c'est le dépassement de la mesure. Donc, la vivacité, elle n'est pas une opposée absolue à la douceur. Une autre belle vertu qu'on est appelé à vivre, c'est la douceur. Alors qu'on pourrait penser que, oh, ma passion, moi je suis un passionné, je suis un bouillant, comme si le fait d'être bouillant était incompatible avec le fait d'être doux. Eh bien non, en Jésus, les deux peuvent se réconcilier. D'ailleurs, Jésus, qui est parfois vif dans ses propos, incisif dans ses appels à la conversion, et pourtant, il est doux et humble de cœur. Et il nous dit, apprenez de moi comme je suis doux et humble de cœur. Donc, la venue de Jésus, une des espérances qu'il nous donne, c'est réunifier notre être, entre autres, réunifier ces passions en moi qui semblent contradictoires, pour refaire une unité, pour que ma vigueur soit vigueur, mais que vigueur pour la vie et pas vigueur pour la mort. Et que ma douceur soit appropriée, mais qu'elle ne soit pas lâcheté. Donc, c'est aussi cette troisième image entre ces animaux féroces et ces animaux doux est aussi source d'espérance parce que Dieu nous dit « les deux pourront se réconcilier ». Donc, trois images, là, je les répète. En la première image, la souche coupée, mais un surgeon rejaillit. Image d'espérance. Deuxième image d'espérance, fleurira la justice, grande paix pour toute la terre, là où a plutôt régné l'injustice. Et troisième image, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Donc, c'est bien beau cette espérance-là, mais si ça... Il faut la faire descendre dans ce temps de l'Avent. Donc, Saint Paul, je vous invite à trois petits défis pour cette semaine. Donc, premier défi, ouvrir la porte à l'espérance. Ouvrir la porte à l'espérance. Comment? Eh bien, en reméditant peut-être les Écritures. Entre autres, cette lecture du prophète Isaïe, mais toutes les autres lectures de la semaine de la messe sont pleines d'espérance. Parce que Saint Paul nous dit, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Les Écritures sont source d'espérance. Première petite proposition cette semaine, prendre un temps de prière avec ces Écritures de l'Avent qui nous donnent l'espérance. Deuxième petite proposition pour entrer plus profondément dans l'espérance, eh bien, c'est faire vous-même, là, vous pouvez faire fleurir un peu plus la justice autour de vous. Vous pouvez faire fleurir des soleils et des sourires autour de vous. Comment? Eh bien, en faisant ce que Saint Paul dit. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. D'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. Le Christ s'est fait le serviteur des Juifs et des païens aussi. Donc, la deuxième petit défi, au fond, c'est travailler vous-même cette semaine à faire fleurir la justice autour de vous, la justice et l'amour. Et ainsi, vous allez voir, votre espérance, elle va grandir, parce que vous allez vous-même voir des fruits de cette venue de Jésus qui commence et qui est déjà commencée. Troisième petite résolution, Saint Paul dit à la fin de son épître, « C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. » Je vous propose cette semaine de chanter. Aimez-vous ça, chanter? Dépend qui? Dans votre douche, peut-être. Chanter cette semaine, ce n'est pas des blagues. Le chant allège le cœur. Le chant Hein, le travailleur au champ, des fois, il travaille en chantant, fredonner des airs joyeux. Hein, merci d'ailleurs à la chorale qui, chaque fois, nous aide à chanter. C'est le fun, une messe, mais c'est encore bien mieux une messe chantée. C'est plus joyeux, c'est plus enthousiasmant. Eh bien, c'est pareil pour votre vie. Vous avez vos défis, OK, moi aussi j'ai les miens, c'est pas grave. Mais chantez en faisant vos défis. Dans votre voiture, allez, mettez un CD de louange. Il y en a plein sur Internet aussi, des musiques de louange ou des musiques d'avant qui nous donnent l'espérance de Jésus qui vient. Voilà le troisième petit défi, simplement chanter. Méditer les Écritures d'espérance, faire fleurir vous-même un peu la justice et l'amour autour de vous. Et cette semaine, chantez, chantez au moins dans votre cœur les louanges de Dieu qui vient et qui nous aime. Amen.